Chris, à un moment donné, là. Une fille qui a une moustache, c'est-tu mieux, ça, qu'une fille qui se maquille trop? Sérieux, là. Faudrait faire une journée sans moustache. Sérieux, là. Sérieusement, j'ai-tu le droit de dire que je trouve ça laid, une fille qui a une moustache? Non, c'est parce qu'à un moment. Ça, j'ai pas le droit. Ça aussi, c'est une job de parent. Je peux-tu aller dans les écoles dire aux petites filles de s'épiler puis de pas se laisser non, pousser une moustache ou un pinch? C'est une job de ta mère ou du père de dire, viens, je t'appelle de l'électrolyse. C'est une job des parents, ça, OK. Il y avait une fille. Il y avait une fille qu'on appelait Remington. Ah oui. C'est chiant, elle avait un pinch. Ouais, mais c'est pas de sa faute à elle. J'avais un pinch doux. Elle avait un pinch doux plus gros que le mien. Hein? Mais, ça montre à quel point on est rendu complètement dominé par des petites écoles bien pensantes, montréalaises, qui décident. Tu sais, nous les Québécois, le maquillage, c'est mal. Nous les Québécois, chauffer un pick-up, c'est mal. Nous les Québécois, ça va être beau, là. Hey, si je me promenais dans les écoles, moi, pis, ou pas moi, je suis pas une fille, là, mais si une fille se promenait dans les écoles pour montrer aux petites filles à être féminine, elle se ferait ramasser. Elle se ferait ramasser, ça n'aurait aucun sens. Mais on se permet de dire à des adolescentes que le maquillage, ouais, c'est pas si beau que ça, puis slacker sur le maquillage. Oui. Mêlez-vous de vos affaires. Mettez-vous des trousses de maquillage, voyons donc. La chose la plus importante, c'est de dire aux flots, aux kids, aux gars, aux filles, soyez fiers de ce que vous êtes. Ben, c'est un peu ça, le message. Ça n'a rien à voir avec le maquillage. Ça n'a rien à voir avec la jupe. Ça n'a rien à voir avec la grosseur. Ça n'a rien à voir avec rien. Mais à l'inverse, ça se peut-tu qu'effectivement, une belle fille bien maquillée, avec du beau mascara pis un beau rouge à lèvres qui fait bien, ça se peut-tu que ça lui donne confiance? C'est comme une fille qui se fait poser des boules. Je m'excuse, là, mais des fois, il y a des filles que de se faire poser un kit de boules flambant neuf, ça va leur redonner confiance au point, des fois, de même se carrer pas mal à gauche et à droite. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Soyez fiers de ce que vous êtes, de ce que vous reflétez, de ce que vous représentez. Si tu vas à l'école en jogging, pas maquillé, t'es pas meilleur que l'autre à côté qui s'habille propre pis qui se maquille. Exactement. Pis tu vois, s'il y a une fille qui se sent plus confiante parce qu'elle s'est maquillée un peu, là, y a-tu de quoi de mal là-dedans? Sérieusement, là? Est-ce qu'il y a quelque chose de mal là-dedans? Mais c'est une fille qui va gagner en confiance. Là, ça va être quoi, là? Ça va être, mettez-vous pas trop de beau linge. Soyez pas trop sexy. La belle robe, là, qui vous fait super bien, là. OK, une journée, habillez-vous avec des poches de patates. La journée de la poche de patates. La journée du jogging. Qu'est-ce que tu penses de ça, Denis, toi? Ben, ça existe déjà. Même à ça, les joggings, ça peut être sexy aussi, des fois, là. Mais la journée de la poche de patates, on peut-tu organiser ça pour être sûr que les filles se mettent pas trop belles? Une journée où tout le monde est laid. Une journée laid. Parce que nous autres, les laids, on se sent mal parce qu'il y a du beau monde autour de nous. La journée laideur, c'est quand? On peut-tu l'organiser? C'est quand, là? Je suis un peu tanné, moi, du monde qui se tire un rang parce qu'ils pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. Moi, je fouille dans les poubelles, je ramasse des fruits, j'y mets dans mon frigidaire. Je suis tellement meilleur que les autres. Hostie de féministe frustrée. Je m'excuse, là, ça me rend sacrément. Pourquoi moi, ça me rend pas si agressive que ça? Je sais pas. Moi, dans ma tête, là. T'as le droit aussi, là. C'est... Regarde, faites-les pour les bonnes raisons, vous êtes pas obligé de faire comme tout le monde. Moi, c'est juste ça le message. Mais que ça je regarde vois avec pas personne d'autre que la petite fille et ses parents, ça. C'est pas à l'école, pis c'est pas aux médias, pis c'est pas des personne de se mêler de ça. Pis de toute façon, ça a l'effet inverse, là. Moi, la journée sans fumer me donne le goût de fumer. La journée sans maquillage me donne le goût parce de me beurrer et de me poudrer. Parce que moi, le style moral à deux scènes, là, je suis plus capable. C'est ça le plus goût capable. Il y a du monde qui se tire un rang, qui pense qu'ils sont meilleurs que les autres, puis qui pense qu'ils vont décider à ma place de ce que mes enfants vont être, vont devenir, vont manger, vont porter. Fuck you. Il y a donc du monde qui manque de peau puis de sexe. Pour être, faut avoir une vie plate en tabarouette, là. Tu touches organiser des journées sans maquillage, là. Tu touches la racine de beaucoup de sermonnage et de maternage qui se fait au Québec et ailleurs. Ça part souvent d'une frustration sexuelle. C'est un peu de sexe, ça va vous faire du bien. Peut-être, là. Je sais pas, là. J'ai beaucoup de misère. Beaucoup de misère. Si une fille est à l'aise lorsqu'elle se présente à la télévision ou en classe avec du maquillage, qu'est-ce que ça donne de faire une journée sans maquillage? C'est quoi le message qu'elle passe? Le seul message qu'elle passe, c'est que c'est une maudite suiveuse parce que la journée où quelqu'un décide de faire quelque chose, tu décides de faire pareil. Moi, je trouvais ça le fun. À 13-14 ans, pas avoir à me maquiller. Ben, c'est ton droit. C'est ton droit et ton choix. Mais t'as pas imposé ça aux autres, là? Non, absolument pas, mais tu sais, je sais pas. La journée, j'en connais des maudites belles filles qui se maquillent jamais, là. Ben oui. Ils font quoi aujourd'hui? Ils se battent? On parle de femmes, là, mais là, tu sais, ça vise, là, c'est des filles. C'est bon, j'essaie de suivre. Les autres, des filles qui se maquillent pas à l'année, ils sont belles, pareil, ils font quoi, là, aujourd'hui, là? Ils prennent le rouleau à pâte, puis ils se mettent du rouge à lèvres. Ah, c'est ça. Ah, ça a pas de sens. Non, mais ça me fait chier. Ça me fait chier. Je trouve ça beau, une belle fille bien maquillée, bien habillée. On a le droit de dire ça. La petite fille qui va se présenter à l'école maquillée aujourd'hui, là, elle ne se fera pas taper ses doigts. Elle ne se fera pas écœurer. Non, elle ne se fera pas écœurer. Il n'y a pas une prof qui va la pointer du doigt, qui va l'intimider, puis qui va la pointer en exemple. Ça n'existe pas dans nos écoles. Si la prof fait ça, ben c'est une conne qui est vraiment pas à bonne place. Il va en avoir. Il y a des flots qui se font pointer du doigt parce qu'ils osent amener un biscuit avec des pépites de chocolat dans leur boîte à lunch. Il y a du monde qui se font pointer du doigt à cause de leur choix vestimentaire. Il y a du monde qui se font pointer du doigt parce qu'ils vont porter du maquillage aujourd'hui, ils vont en avoir. Mais ça, c'est correct. Ça, on peut intimider une fille qui se maquille. On peut intimider une belle fille. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Au Québec, on n'a pas de problème avec ça. Je maquille aujourd'hui, fait que live à radioex.com pour m'intimider. Ben oui. Faites-le. Vous avez le droit. À quand la journée sans speed stick, on pue tout égal, tu sais? Pour être bien sûr qu'on pue tout égal. Hein? On pue être tout le swing égal. Ouais. Ce serait intelligent, ça. Ce serait le fun, hein? Intelligent, ça. On sauvera la planète. Il y a une cause. Tu sais, c'est de dire, il y a une cause. Quelle cause? Vive les gens qui assument ce qu'ils sont. Tu te maquilles pas, tu te trouves belle pas maquillée, bravo. Exactement. Tu te maquilles, ça te donne confiance, tu te trouves belle maquillée, bravo. Puis vous savez quoi, les filles? À partir du moment où vous avez confiance en vous autres, ouais. Maquillage pas maquillage, jupe pas jupe. Yeah. Hostie qu'on vous trouve belle. Bravo aux filles qui se font poser des kits de boules pis à qui ça donne confiance. Bravo. C'est tellement surnom. Bravo. Non, mais c'est ça. Mais moi, là. Ça me rend triste une fille de 18 ans qui attend ses 18 ans pour s'en faire poser des boules. Véro, je t'aime beaucoup, mais ça te regarde pas. Je le sais. Ça te regarde pas. J'ai-tu le droit de trouver ça triste pareil? C'est beau, une belle paire de boules. C'est plate, là, mais c'est ça. Yeah, au pire, si elle est pas contente, là, elle se ramassera de l'argent par les enlèvera. Ça se fait. Tu ris, mais ça se fait beaucoup. Ça se fait. Ça arrive souvent que tu vas entendre parler de la fille qui s'est fait poser à 18 ans, que sa morphologie a changé. Puis laquelle? Il y en a une que j'ai vue il y a pas longtemps. La lutteuse canadienne Trish Stratus s'était faite poser des melons. C'était des têtes. Pas des têtes d'enfants, des têtes adultes. C'était immense, puis c'était trop haut, c'était drôle comment c'était lettre. Mais elle les a enlevées. Puis ça fait partie d'un choix. Bon, c'était la journée sans seins, c'était quoi? La journée sans boule. C'était la journée. Alors, c'est ça, la journée sans boule, elle les a fait en mettre le lendemain. C'était le titless day. C'est comme ça qu'on appelle ça. Non, mais laissez les gens vivre. Puis arrêtez de penser que vous êtes meilleur que les autres parce que vous avez fait un choix de vie qui vous autres vous plaît. Là. Vous êtes pas meilleur que les autres. Puis j'espère qu'il y a pas une fille qui va se faire pointer du doigt aujourd'hui, que ce soit dans un milieu de travail ou à l'école, parce qu'elle a décidé de se mettre un peu de maquillage. Franchement. J'espère. Franchement. Il est 9h02.